particulièrement. C'est celui où les mamans sont agglutinées au gris de l'école de leurs enfants. Elles sont venues, elles sont toutes là, elles sont toutes différentes. Si l'heure des mamans c'est le moment marrant, on apprend, il est 16h30. J'aime bien aussi celle qui reste à l'écart de la masse. 4-4 carrés sur un terre-plein pour signifier qu'elles ont la classe. Elles ne se mélangent pas au petit peuple, question d'éthique. Elles qui font déjà les formes, laisser leur enfant dans une école. Certaines attendent impatiemment la sonnerie salvatrice qui leur rendra leur enfant. Quand d'autres par leur mou expriment à l'évidence qu'elles aiment aussi chez leurs enfants leur absence. C'est l'heure de la revue de fesses. Avec leur bonne copine, elles chuchotent et vont à confesse. Narrant leur journée vide, elles justifient l'adultère et se jettent à vide sur les ramonards qui entretiennent leur chaudière. Y'a un moment de la journée que j'apprécie tout particulièrement. C'est celui où les mamans sont agglutinées au gris de l'école de leurs enfants. Elles sont venues, elles sont toutes là, elles sont toutes différentes. Si l'heure des mamans c'est le moment marrant, on apprend, il est 16h30. Y'a des strings, des culottes, y'a des trucs pas banales. Des princesses, des salopes, surtout des culottes de cheval. Y'a des moches, y'a des bonnes, mais c'est des patates. Y'a des moches, y'a des bonnes, mais surtout des culottes. Y'a des strings.